À l'occasion de la journée de la brillante étoile, fête suprême de la nation coréenne, un rassemblement des jeunes et enfants de tout le pays pour prêter serment de parachever la révolution coréenne commencée au Mongbaek-do sous la conduite du dirigeant suprême Kim Jong-un a eu lieu le 5 février devant la maison natale du général Kim Jong-il à l'ancien camp secret du Mongbaek-do. Y ont participé des cadres intéressés et les membres du corps de pèlerinage des jeunes et enfants de tout le pays à la maison natale du général. Les participants ont tout d'abord déposé les corbeilles et bouquets de fleurs devant la fresque en mosaïque figurant les trois généraux Baek-do-san érigés devant la maison natale du général avant de leur rendre hommage. Après le rassemblement, les pèlerins ont fait le tour de la maison natale du général.